On s'est quitté sans bruit, comme fini une saison. Un dernier mot qui fuit, un dernier pas sans raison. On croyait que nos deux routes ne feraient plus jamais sens. Mais je me surprends, sans doute, à chercher ton absence. Et quand la nuit me prend, je pense à toi souvent. Un jour peut-être, on se retrouvera quelque part. Un jour peut-être, on comprendra ce qu'on n'a pas su voir. Quand nos cœurs sauront mieux faire, quand nos peurs seront derrière. Un jour peut-être, on s'aimera. Garde nos souvenirs comme des traces sur ma peau. Les jours où je crois guérir, je retombe aussitôt. C'est jamais simple d'admettre qu'on a laissé filer l'essentiel. Mais je me dis qu'à force de naître, l'amour revient.